J'écris ce texte, la nuit m'éclaire, j'ai croisé tant de regards. J'ai plus ce que je vise et je vois ce que je vis avec un temps de retard. Fais pas la piste, des fausses déguises quand la cartouche dégage. Faut aller vite, mais je compte dans le vide, des rêves partout se dégagent. Des crises de reins, des voilages, des cris des hommes, des proies. Du vis-à-vis, des visages vus, des si des hommes, des balafres. J'ai plus sommeil, c'est depuis que je suis môme, j'ai la mort vrac. Dans le film, les rêves délaissent l'amour, vu qu'ils s'y bat la mort frappe, grave. J'ai brûlé toutes mes ailes, faut que je rentre à la zone. Mais je bute tes aides ce soir, si je dors en jave, voilà les ennemis. Flic, flac, une vie de frasque, les flics t'adorent. Petite flasque et petite frappe qui fixe la dose. J'ai pris le temps de parler de son, j'ai rêvé de cuire la base. Pris le taureau par les cornes, rouillard, je suis pris de la basse. Avant la merde, avant qu'on se perde, avant que le pire se rattache. J'écris mon texte, un dernier soir, le temps s'arrête, je m'arrache. Comme chaque réveil, je me lève la tête en huc, je suis pas d'humeur. Je vis comme un pacha, qu'on m'a plus lent que ma tumeur. C'est mon côté, moi, c'est moi, si j'en jamais mon maximum. Je veux pas grandir, j'ai pris du poids, dans le fond, je ne suis qu'un maximum. Faut que je me presse comme ta simo, sans fait que t'as fait, c'est pas si mal. Il me faut du fric, mais je baisse pas le froc comme une femme face à du mal. Hey, toujours un temps trop tard, j'ai pas de Rolex au poignet. Non, je me tourne pas les pouces, moi, je mets la main au panier. Je peux panier, je remets tout à demain, donc te fais pas. À moi, crois-moi, je fais les choses en deux temps comme des frères si à moi. On m'a dit t'as pris du bide, la vie que tu mènes n'est pas si saine. Un prêtre timide, je laisse seulement quand j'ai l'épée sur scène. J'ai pas le beau physique, tu sais. Tous les jours, je fais les 100 pas. Mes rêves partent en fumée, le temps se consume dans les standards. Je suis loin d'avoir bonne mine, y'a que des ratures dans mon cahier. Pourquoi redoubler d'efforts quand le premier me donne envie de pailler? Frère, je perds les pédales comme un schizophrène bipolaire. Bon, car ça, c'est les problèmes, fumer, boire et m'isoler. Je traîne un cabas rempli de haine par le genou quand tout est noir. Affalé dans le rocking chair, je me remets à tout est noir. Je suis seul face à la feuille, je connais le goût des pâtes sans sauce. C'est ce monde tourne à l'envers, wesh, seuls les fils de pute s'en sortent. J'imagine l'avenir au soleil, bête de prod dans l'écouteur. J'ai pas sommeil, je veux pas le sommet, mais j'en ai vu toutes les couleurs. Bref, faut faire face à la pente, voir sourire ce type dans son miroir. Parfois les vieux démons nous hantent, t'es mal et cernes sur les minois. Tu te mets minable à chaque occasion, répète sans cesse. Demain t'arrêtes, deux trois canettes, vide la charrette. Ici t'es seul, chacun sa route. Tu vis sous des freins dans les poches, tu dis que la vie c'est trop bête. J'éteins, fais les courbettes, à croire que pour toi l'avenir c'est trompé. Faut que les trompettes, t'avances en but avec un temps de retard. Gratte à 2 grammes et puis l'inspire chaque soir. Quand tu te rentres tard.